بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. 11e leçon. 11e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc après qu'on ait écrit les abiyats, les vers relatifs au qadar, وبل قدر المقدور أيقن فإنه دعامة وقت الدين والدين أفيه. Par rapport au qadar, l'imène du qadar, le fait de croire au qadar, au destin, dans la Subhanahu wa ta'ala, qu'on avait dit que c'était un des piliers de l'imène, comme le prouve le hadith de Jibril, alayhi salam. Taïeb. Donc, toujours dans ce sujet-là, الآن نتكلم حول طائفتين ممن ضل في هذا الباب. Les deux principaux groupes qui se sont égarés dans ce domaine du destin, qui sont Al-Qadariya ou Al-Jibriya. Al-Qadariya ou Al-Jibriya. Donc Al-Qadariya, ils ont été appelés comme cela en appartenance au Qadar, qui est le destin. Et ils sont de différentes catégories eux-mêmes, entre eux. Parmi eux, il y a les Roula, les extrémistes, ceux qui ont été trop loin, qui ont été rendus mécréants d'ailleurs. Donc, eux, parmi leurs croyances, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné le bien et non le mal. Qadr Allah ul khayr wa la shar. Car ils ont voulu, comme cela, comme Mu'attila, ils ont voulu justement purifier Allah de toute imperfection. Donc, pour eux, dire qu'Allah crée le mal, le fait que Allah crée le mal, dire qu'Allah crée le mal, pour eux, c'est une offense envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rabaissement. Donc, ils ont dit Allah crée pas le mal. Dans le hadith, dans le doua, waqina shar ma qadait, présentant du mal que tu as prédestiné, que tu as décrété. Wallahu khaliqu kulli shay. On dit Allah a créé toute chose. D'accord. Donc leur parole vient à ressembler à la aqida des Majus. Les Majus, qui eux sont ceux qui adorent le feu, ibadun nar, et qui ont dit que il y a deux divinités, An-Nur wa Az-Zulma, yani la lumière et les ténèbres, yani le bien et le mal. Nur, la lumière, c'est le bien, et Az-Zulma, c'est les ténèbres, c'est le mal. Donc en faisant cela, les Qadariya, ils ont ressemblé justement à Al-Majus, en disant que le bien vient d'Allah et le mal vient du serviteur en lui-même. C'est comme si c'était que le serviteur crée ses propres actes de lui-même. Tamam. Wajah fi hadith al-Qadariya majus hadhihi al-umma. Que les Qadariya sont les majus de cette communauté. Et le shir a démontré que ce hadith, il y a un khilaf entre les gens de science quant à son authenticité. Il y a Sheikh al-Albani qui l'authentifie et Sheikh Mokbil qui l'affaiblit. En tout cas, le ma'na est sahih. Quand fil ma'na, al-hadith sahih qu'al-Qadariya ressemble aux Majus dans leur croyance. Donc parmi les choses qui démontrent les preuves que leur croyance est fausse, c'est le fait que le serviteur, quand il fait du bien, c'est que c'est là qu'il a prédestiné, quand il fait du mal, c'est que c'est de lui-même. C'est-à-dire, ça revient à dire que le serviteur crée ses propres actes. Waqala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Que Allah vous a créé, ainsi que ce que vous faites. Amen. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et le mal. Et le mal, il l'a créé pour une sagesse, hein, que lui seul en connaît les secrets. Il faut obliger qu'elle nous apparaisse. Des fois, il nous apparaît, on voit la sagesse de la création d'un mal. Quand par exemple, Iblis, l'Allah alayhi, qui c'est qui l'a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. D'accord? Et Iblis, c'est le mal à l'état pur. Mais de par sa présence, il y a une hikmah qui est de faire d'éprouver le serviteur, savoir qui est sincère, qui ne l'est pas. Qui est endurant, qui ne l'est pas. ce genre de choses. Il vient pour éprouver les gens, il prend avec lui ceux qui ne sont pas sincères et ceux qui sont qui ont le cœur malade. Et Allah, il préserve les bons et les sincères de son mal. Donc il vient pour apporter une distinction. C'est une fitna, une épreuve pour les gens. Comme beaucoup de choses dans cette dunya. Mais lui, c'est vraiment le mal à l'état pur. Naam. Et parmi les qadariyas également, ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas les choses si ce n'est après qu'elles se soient produites. Et ceux-là, bien entendu, ont été rendus mécréants. Hum min warat al-qadariya. C'est parmi les extrémistes, les exagérateurs des qadariyas. Et ceux-là ont été rendus mécréants. Et parmi eux, man kaffarahum ibn Omar. Ça, c'est encore un mukaddima du hadith de Jibril. Comme il commence, lorsque deux tabi'is sont venus le voir en faisant le hajj pour le visiter, ils lui ont parlé des qadariyas. Et Ibn Omar قال ما قل لهم اني بريء منهم وهم براء مني. Je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Et les ulama, ils ont interprété sa parole comme étant un takfir, les akafar. Et ensuite, il cita le hadith de Omar ibn Khattab. C'est comme ça que le hadith est débuté en fait. Il est long, plus long que ce qu'on croit. Déjà, on l'appelle le hadith tawil et il y a encore une mukaddima dedans. En tout cas, ça tu vas trouver dans Sahih al-Muslim. Donc, et le Qadariya, certains également ont été, même parmi ceux qui ont dit que c'est le serviteur qui crée ses actes dans le mal, parmi eux, certains ont été rendus mécréants également. Non. Ensuite, tu as la deuxième firqa, deuxième groupe égaré, les Jibriya. El-Jibriya. Ou El-Jabr, c'est le fait d'être contraint d'une chose. D'accord ? Que eux, ils disent que le serviteur est contraint de faire ce qu'il fait, qu'il n'a pas le choix, que ce qu'il fait, c'est malgré lui. Il est comme une plume se laissant emporter au gré du vent. Quand le vent il l'emporte à droite, elle va à droite. Quand tu l'emmènes à gauche, elle va à gauche. Comme une girouette. D'accord ? Il n'a aucun libre arbitre. Tout ce qu'il fait, c'est malgré lui. Donc là, c'est une autre exagération. C'est-à-dire qu'eux, ils reconnaissent que Allah a prédestiné les choses et a créé les actes des serviteurs. Et en même temps, ce qu'ils font, ils le font malgré eux. Donc ils ont exagéré de l'autre côté. Donc les Jibriya, ils font partie del Jahmiya. Car cette croyance de Jibriya, c'est Jahm ibn Safwan qui l'a propagée. Et qu'il a pris de qui ? Le Jahd. Et Jahd l'a pris de qui ? Sab'an. Ubayyin ibn Sab'an. Et Ubayyin l'a pris de qui ? Talut. Et Talut l'a pris de qui ? Labiz, qui était un juif. Et le Qadariya, Imam Tahawi, a apporté que l'origine de cette croyance, Qadariya, elle vient des chrétiens, d'un chrétien. Elle vient d'un chrétien. Et que le premier qu'il a propagé en islam, c'est Ma'bad al-Juhani. El-Ma'bad al-Juhani. Donc regarde bien ces égarements, quelles sont leurs origines, les juifs et les chrétiens. Pour dire où cela emmène. Quand tu remontes le filon, tu arrives à la source qui vient de qui ? Des juifs et des chrétiens. Naam. Donc les gens de la sunna, eux, sont le juste milieu entre les deux. On dit que Allah a créé le bien et le mal et les actes du serviteur. Mais que le serviteur a le libre arbitre. Il y a une mashia. Wa ma tasha'una illa yasha Allah rabbul alamin. Wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Man adillah qui disent que l'être humain a une volonté. S'il veut faire une chose, il ressent lui-même justement ce libre arbitre qui lui donne le choix. S'il veut, il dit oui, s'il veut, il dit non. Et tout le monde le ressent ça en lui. Comme Charles Samin l'a dit, tu as une différence entre quelqu'un qui marche et quelqu'un qui tombe. Celui qui marche, il sait qu'il marche. Celui qui tombe, il sent que c'est malgré lui. Il ne tient pas son corps, il ne maîtrise pas. Ou comme quelqu'un qui est malade, qui a de la fièvre, c'est malgré lui. C'est pas lui qui a mis de la fièvre en lui. Il ne maîtrise pas la chose. Là, il sent qu'il est mouchba. C'est une chose qu'il ne peut pas contrôler. Alors que des choses, de ses propres actes, il les contrôle. Il lève sa main s'il veut, il la descend, il a le choix. Il sent qu'il n'est pas une marionnette, on lui lève la main comme ça, avec un fil, et qu'il ne peut rien faire. Il fait tout lui-même. L'être humain le ressent, ça. Et donc, même le Aql, il se rend compte que l'être humain, il a le libre arbitre. Non. Et donc, des gens sont venus pour, comme cette histoire de Omar, que des gens sont venus, un homme avait volé, et qui avait ce fil de Jibriya. Donc Omar, radiallahu anhu, a voulu lui couper la main. Donc il a dit, « Ya Amir ibn Muminin, etakto' yadi ala shay qaddarallahu alayya » Est-ce que tu vas me couper la main pour une chose que Allah m'a prédestinée ? Pour dire ce que j'ai fait malgré moi, c'est Allah qui l'a voulu. Ben Omar, qu'est-ce qu'il a répondu ? « Faqaddarallahu alayya anakto' yadak » Que Allah m'a prédestiné que je te coupe la main. Comme tu as voulu parler, ben je t'ai répondu avec ta même croyance. Toi, tu es forcé de voler, ben moi je suis forcé de te couper la main. C'est pour fermer les portes. Tu vois ? Il ne pouvait plus rien dire après cela. Là, c'est une très bonne réponse. Tu es forcé de faire. Parce que demain, on ouvre la porte. Quelqu'un, il vient, je te gifle, je te frappe, je te parle des affaires. C'est Allah qui a voulu que je le fasse et je me sauve. Tu n'as rien à me dire. C'est totalement absurde. Donc, d'où est l'intérêt de faire l'amr bin ma'louf ou un ahim munkar ? C'est mutanaqid, n'est-ce pas ? Contradictoire. Demain, ça ouvre les portes à tous les mots. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils disent c'est Allah qui a voulu que je le fasse. Ça, c'est tala'oub, ça, c'est joué, ça. Ça c'est joué ça. Ben, si Allah veut que tu le fasses, pourquoi tu as peur quand tu le fais? Pourquoi tu te caches? Quand tu voles, pourquoi tu te caches? Si c'est Allah qui a voulu, vole devant tout le monde. Dis c'est Allah qui a voulu, tu voles, tu t'en vas. Pourquoi tu sens cette peur en toi? Pourquoi tu crains de te faire attraper? Les gens ils savent très bien ce qu'ils font, mais après c'est t'as la robe, tu vois. Naam. Allah musta'an. Tayeb, donc ça c'était un mimbab. Tatimmat al-fa'ida fi bab al-qadar. En vrai, c'est, on a dit, c'est un murajaa simplifié. En fait, c'est un bab, il est très long. Le qadar, c'est un bab, il est très long, et dans lequel beaucoup de gens sont égarés, dans lequel beaucoup de gens se posent trop de questions. Et à la base, le qadar, si tu y crois, et tu ne vas pas trop loin dedans. Al-asir Allah, c'est le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne demande pas trop de choses. C'est au-dessus de ta compréhension. Parce que les gens veulent trop comprendre. Mais pourquoi, mais comment ? Il n'est pas interrogé ce qu'il fait, eux seront interrogés. Donc le qadar, tu y crois comme on te l'a dit, après le reste, fais ce que tu as à faire, tu as le choix, tu détermines ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Hein? Et ensuite, amruka ila Allah. Naam. Ba'da hadha, al-bayt, al-thani, wal-ishroun. 22e vers. Yarhamakallah. Le 22e vers. Faqala al-munazzimu rahimallahu ta'ala. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح. Donc ces vers eux maintenant sont relatifs à la croyance à l'iman. Bi mayasul fi yom al-qiyamah. Ce qui se passe à la résurrection. Ou fil akhira. Après la mort. Après, dans l'au-delà. Et principalement, là, fil qabr, azab al-qabr, ou fitna al-qabr, ou ma ba'daha. Donc il dit. Wala tunkiran. Donc là c'est la nahia encore. Tunkiran min ankara yunkiru. Et là il y a un nun taukid, khafifa. Wala tunkiran. Le nun là c'est un nun taukid. Zaïda pour appuyer vraiment, tu ne dois pas renier cela. Wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran. Wa jahlan, jahlan c'est par ignorance, c'est-à-dire sans science. Awlan el inkar c'est le juhud. C'est le fait de renier une chose, la refuser. D'accord ? Le fait de refuser une chose. Wa jahlan, c'est l'ignorance. Et la jahlan, c'est venu en hal, mansoub ala hal. Donc par ignorance. Nakiran wa munkara. Donc là, nakir et munkar, qui sont-ils ? Les deux anges qui viendront interroger le serviteur dans sa tombe. Et cela a été apporté dans plus d'un hadith, des hadiths mutawatira également. D'accord ? Qui sont deux anges au visage noir et bleu, qui descendent une fois que le serviteur est enterré dans sa tombe et que les gens repartent, qui l'assoient dans sa tombe et qui l'interrogent. Man rabbuk, ma dinuk, man hadar rajul, allazi ja ilikum. Qui est ton seigneur ? quelle est cette religion, qui est cet homme qui vous est parvenu. Al-mu'min yujib, le croyant il répond. Kafikullah ta'ala, yuthabbitullahu allazina amanu bil kulli thabit. Que Allah raffermit ceux qui ont cru de la parole véridique. C'est-à-dire, là, ça a été interprété, puis Azab Fitnat al-Kabr. Lorsqu'ils sont interrogés, ceux qui ont cru en cette dunya seront affirmés et pourront répondre correctement. Donc là, dans le hadith, il dit, ils le font s'asseoir dans sa tombe. Et après, il interroge. Et que si jamais il ne répond pas, et ça c'est le chaîne de qui ? Des munafiq et du kafir, fayudrab bimataraka bihadidin darba wa yasma' sawta kullu ma yalihi ghayl athaqlain. Qu'il est frappé par une massue de fer d'un coup qui le fait hurler et que toute chose entend sa voix hormis les djinns et les humains. C'est-à-dire tout le monde entend, toute la création entend le cri de celui qui s'est frappé dans la tombe hormis l'homme, l'être humain et le djinn. Faqalayn. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wala usami' al-insan nasayiq. Et que si l'être humain l'avait entendu, il s'en évanouirait. D'accord ? Il s'en évanouirait. Notamment le cri, il est effrayant. On ne supporterait pas ce cri. Et c'est le cri d'une créature comme nous. D'un être humain ou même d'un djinn. C'est le mukallaf en fait. Là, le hadith parle du mukallaf. Donc il faut croire en ces deux anges. Leur venue. Et cela, c'est Fitnat al-Kabr. L'épreuve de la tombe. À ne pas confondre avec Azab al-Kabr. Azab al-Kabr, c'est autre chose. Fitnat al-Kabr, à la base, tout le monde y passe. Hormis le shahid. Sinon, à la base, tout le monde passe. Fitnat al-Kabr est interrogé. Celui qui le mérite parmi ceux à qui Allah il a voulu. Le châtiment de la tombe. Et il varie en fonction des péchés commis par la personne. Ou à l'axe, ni'amat al-kabr, les délices de la tombe. Pour qui la mérite, pour qui Allah l'aura voulu. D'accord ? Par exemple, celui qui a l'azab al-kabr, sa tombe se rétrécit jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent les unes dans les autres. Alors que le ni'am, elle s'élargit à portée de vue. Là où sa vue s'arrête, ça tombe. Donc ça, c'est une chose que les aqlaniyoun, les gens, je ne sais pas qu'on appelle en français, ceux qui font prédominer la raison sur le texte, ils sont des philosophes, mais aqlani, à la base, c'est plus fait, je ne sais pas, les penseurs, ou Allah, je ne sais pas comment on dirait. En tout cas, c'est les gens qui usent de leur raison avant toute chose. Et ils disent, comment, c'est pas possible. Comment est-ce que des anges descendent et là sont dans sa tombe, il se fait interroger ainsi de suite, alors que la tombe on voit les serrer, les sous-terres et tout. Ça on leur dit Adam min im le raib. Adam min rachel raibiya, parmi les choses de l'invisible, de l'au-delà. Tu ne peux pas les percevoir avec cette vue mondaine. Et Allah à la coulée chez Nkadir. Allah est capable de toutes choses. Donc toi tu as des adillah, des textes authentiques qui te le disent. Tu dois y croire. Sans quoi, comme un collège à Othémine, c'est plus l'imen. Azab al-Shahada. Si on voyait cet homme se faire châtier dans sa tombe, ce serait plus une croyance, ce serait un témoignage. Et l'imen, c'est ça. C'est des choses que tu n'as pas vues, tu y crois. Sinon, où est l'avantage du mu'min par rapport à l'autre? C'est comme les gens disent, moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Pourtant, plein de choses qu'il ne voit pas, il y croit. Plein de choses qu'il ne voit pas, il y croit. Donc, Cette rhétorique elle est complètement fausse. Et apparemment, elle vient des juifs. Oui, ils donnent ça à Saint Thomas, soi-disant, Saint Thomas. Mais avant Saint Thomas, avec qui? Saint Thomas, c'est dans l'évangile. Donc, il l'attribue aux chrétiens. Mais avant les chrétiens, avec qui? Banu Israël. Les juifs. Et dans le Coran, là, les cite. Donc, Saint Thomas, on est de côté. Tu prends le verset. Et le peuple de Moussa, ils lui ont dit. Il y a un Moussa, l'un minalaka. Hatta narallah jahra. C'est au Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. Tu vois un peu? Non. Donc, ça, c'est l'imen. L'imen, c'est que tu crois en des choses que tu n'as pas vues. Tu as des preuves qu'elles existent, mais tu ne les as pas vues. Sinon, il n'y a plus de privilège pour le mu'min. Alors, croyant des choses qu'il n'a pas vues. C'est ça l'imen. C'est ça l'imen. On est l'essence de l'imen. Taïeb. Donc, ça, c'est. Allez, comme ça. C'est concerne les deux anges. Et il y a eu un khilef. Certains ont dit que Munkar et Nakir, ce sont des awsof. Ce sont des descriptifs. Ce ne sont pas des prénoms. Ce ne sont pas des prénoms. Ce sont des qualificatifs, comme on dirait. Et déjà, ulama, ils ont dit non, c'est des prénoms, c'est leur prénom. Taïeb, Munkar ou Nakir, ce sont leurs noms. Taïeb. Après, dans le vers, Walal Hawd, Wal Mizan, Innaka Tunsahu. Donc, ne, tu ne dois ni renier par ignorance Nakir et Munkar, ni El Hawd. El Hawd, Mahou, El Hawd, c'est le bassin. Ce qui est voulu par là, c'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falouratan al-Hawd ma'na Mujma al-Mai. Un lieu où l'eau se rassemble, un bassin. En français, ça se traduit par un bassin. Wa'una istilahan al-Maqsoud bihi wa Hawd al-Nabihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a lieu fil akhira. Et il y a un khilaf entre l'ulama, est-ce que ce Hawd, les croyants en boiront avant le jisr, avant le pont ou après? Il y a un khilaf dessus et apparemment ce Jumhur Yaron Anaou Kab Legisr. Il voit qu'il est avant le pont. Baqala ta'ala inna a'tayna kal kawthar. C'est nous avons donné le kawthar. Ce haud est venu par des hadiths mutawatira. Anna tawlahu kamin Mekka ila al bayt al maqdis. Que sa longueur, sa distance est égale à la distance entre Mekka et El Bet El Maqdis en Palestine. Tamam. وَنَّمَاءَهُ أَشَدْ بَيَادًا مِنَ اللَّبَنْ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلْ. Et que son eau est plus blanche que le lait et plus douce et sucrée que le miel. وَأَكْوَابُهُ عَدَدْ نُجُومِ السَّمَا. Et que ses verres, ses récipients pour en boire, sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. نعم. وَالْحَوْدْ مُوْجُودَ الْأَنْ. Il n'y a pas de l'Hawdi. Dans le hadith est venu qui dit je vois le Hawd actuellement. Le Hawd il est présent maintenant. Et le Hawd également, ce n'est pas tout croyant qui y boit. Le Mubtadi'a, le novateur, n'y boit pas. Quand ils viendront pour boire, certains seront éloignés du Hawd. Et Nabi Sam Kalay Yakul, Ummati, Ummati, ma communauté, Yukal Lahu, Innaka Matadri, Ma Ahdathu Ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et il dit Surkan Surkan Niman Badr Warayir. Il dit que soit éloigné à ceux qui ont changé et qui ont transformé, c'est-à-dire la religion. Donc le Mubtadir, il ne boit pas du Hawd. Tu vois le châtiment. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Wal mizan, la balance. Wal mizan, la balance. C'est une vraie balance. Une vraie balance. Et non pas, comme on voulait dire les Murtazila, l'adl, c'est la justice. Ils ont interprété la balance par la justice. Non, c'est une vraie balance. Comme encore le Ta'ala, « وَنَدَعُوا الْمَوَازِنَ الْقِسْتَ لِيُمِ الْقِيَامَ فَلَا تُظْلَمُوا نَفْسٌ شَيْئًا. » Et nous posons des balances pour l'équité, pour le jour de la résurrection, et aucune âme ne sera lésée. Et dans des textes, c'est venu au pluriel, et certains textes sont venus au singulier. Au pluriel, les ulama l'ont interprété comme étant les œuvres, en fait. « Mawazin bimana al-armel » Car les œuvres du Abd seront pesées. D'accord ? Seront pesées même si c'est venu que les mauvaises actions de l'homme viendront sur l'apparence d'un homme immonde, affreux. Un homme laid. Ce sont les mauvaises œuvres de la personne. Wakadhalik min adilat al-mizan, parmi les preuves du mizan, comme il a cité le shir, le hadith de la bitaqa. Cet homme qui avait des péchés à perdre de vue ses registres, était en plus de mauvaises actions à perdre de vue. Et pour lui, il voit qu'il était perdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna laka hasana, la tuzlamu al-yawm. » Tu as certes une bonne action, qui ne sera pas lésée aujourd'hui. Il dit « Ma hiya ?» Et là, il lui sortira une bitaqa, « Mektub alayha, la ilaha illallah. » Une carte sur laquelle sera écrite la shahada. Elle sera posée sur la balance et fera voler toutes les autres actions mauvaises qu'il aura faites, qui étaient à perte de vue. Il faut dire que le tawhid, min wa a'zam al-amal. Le tawhid est la plus grande des œuvres. Elle lui effaçait toutes ses autres actions. qu'il avait un tawhid authentique, malgré ses péchés, et un ikhlas. Tamam, un ikhlas. Naam. Fa ma dhakarna al-yom al-bayt wa la tunkiran jahlan nakiran wa munkara wa la al-houd wa al-mizan innaka tunsahu. Wa tunsahu al-nusuh wa iradat al-khayl al-mansuh. C'est le fait de vouloir le bien pour la personne que tu conseilles. C'est conseillé, souvent c'est conseillé, c'est dans siha, nos, c'est traduit par conseil. Non. Et non. Il y a siha, tu peux encore développer sur le sens du mot, mais le sens de base, c'est celui-là. Surtout entre la créature, c'est le conseil. Une fois de voir du bien pour celui à qui tu le prodigues. Donc là, il t'appelle à ça par ce vers, il te conseille. Il te conseille de ne pas renier par ignorance Nakil ou Munkar, de ne pas renier le bassin et de ne pas renier les balances. Comme ont fait les gens de l'innovation.